L'empire d'une jeune fille. Si Julien eût employé à examiner ce qui se passait dans le salon le temps qu'il mettait à s'exagérer la beauté de Mathilde, il eût compris en quoi consistait son empire sur tout ce qui l'entourait. Dès qu'on déplaisait à Mademoiselle de La Mole, elle savait punir par une plaisanterie si mesurée, si bien choisie, si convenable en apparence, lancée si à propos, que la blessure croissait à chaque instant, plus on y réfléchissait. Mathilde s'ennuyait souvent. Peut-être se fût-elle ennuyée partout. Alors, aiguiser une épigramme était pour elle une distraction et un vrai plaisir. C'était peut-être pour avoir des victimes un peu plus amusantes que ses grands-parents que l'académicien et les 5 ou 6 autres subalternes qui leur faisaient la cour, qu'elle avait donné des espérances au marquis de Croisenois, au comte de Quélus et 2 ou 3 autres jeunes gens de la première distinction. Il n'était pour elle que de nouveaux objets d'épigramme. Nous avouerons avec peine, car nous aimons Mathilde, qu'elle avait reçu des lettres de plusieurs d'entre eux et leur avait quelquefois répondu. Un jour, le marquis de Croisenois rendit à Mathilde une lettre assez compromettante qu'elle lui avait écrite la veille. Il croyait par cette marque de haute prudence avancer beaucoup ses affaires. Mais c'était l'imprudence que Mathilde aimait dans ses correspondances. Son plaisir était de jouer son sort. Elle ne lui adressa pas la parole de 6 semaines. La manière de voir vive, nette, pittoresque de Mathilde gâtait son langage, comme on voit. Souvent, un mot d'elle faisait tache aux yeux de ses amis si polis. Elle, de son côté, était bien injuste envers les jolis cavaliers qui peuplent le bois de Boulogne. Elle voyait l'avenir non pas avec terreur, c'eût été un sentiment vif, mais avec un dégoût bien rare à son âge. Voilà quelles étaient les pensées de l'héritière la plus enviée du faubourg Saint-Germain quand elle commença à trouver du plaisir à se promener avec Julien. Elle fut étonnée de son orgueil. Elle admira l'adresse de ce petit bourgeois. « Il saura se faire évêque comme l'abbé Maury, » se dit-elle. Bientôt, cette résistance sincère et non jouée, avec laquelle notre héros accueillait plusieurs de ses idées, l'occupa. Elle y pensait. Une idée l'illumina tout à coup. « J'ai le bonheur d'aimer, » se dit-elle un jour, avec un transport de joie incroyable. « J'aime, c'est clair. » À mon âge, une fille jeune, belle, spirituelle, où peut-elle trouver des sensations, si ce n'est dans l'amour ? Elle repassa dans sa tête toutes les descriptions de passion qu'elle avait lues dans Manon Lescaut, La Nouvelle Héloïse, Les Lettres d'une religieuse portugaise, etc., etc. Il n'était question, bien entendu, que de la grande passion. L'amour léger était indigne d'une fille de son âge et de sa naissance. Elle ne donnait le nom d'amour qu'à ce sentiment héroïque que l'on rencontrait en France du temps de Henri III et de Bassompierre. Que lui manqua-t-il ? Un nom et de la fortune. Il se ferait un nom, il acquérait de la fortune. Rien ne manqua à Croisenois. Il ne sera toute sa vie qu'un duc à demi-ultra, à demi-libéral, un être indécis, toujours éloigné des extrêmes, et par conséquent se trouvant le second partout. Quelle est la grande action qui ne soit pas un extrême au moment où on l'entreprend ? C'est quand elle est accomplie qu'elle semble possible aux êtres du commun. Oui, c'est l'amour avec tous ces miracles qui va régner dans mon cœur. Je le sens au feu qui m'anime. Il y a déjà de la grandeur et de l'audace à oser aimer un homme placé si loin de moi par sa position sociale. Voyons, continuera-t-il à me mériter ? À la première faiblesse que je vois en lui, je l'abandonne. Une fille de ma naissance, et avec le caractère chevaleresque que l'on veut bien m'accorder, c'était le mot de son père, ne doit pas se conduire comme une sotte.